19h30, 21h. Les sons les plus joués en club, mixés et remixés par DJ Florum. Vendredi, DJ Florum, c'est sur Master. Ça y est, s'installe tous les vendredis soirs, 19h30, 21h, le mashup de DJ Florum. Restez bien avec nous. Session rap français à l'ancienne avec Cool Chain, Rof, Dadou, il y a Sniper, Ayam, et pour l'actu très organisé, Drake, 24K Golden. Maintenant, voici Ayam Chino, Pitbull, Yomil pour Give It To Me, le mashup jusqu'à 21h. Ella anda sola y sola lo hizo. Se fue en vicio. Tú le invitaste y ella se vino. Fue porque quiso. Ella anda sola y sola lo hizo. Esto sí es la vida mía, no película. Estos raperos sí son putas, son ridículas. Estos garrapatas sí viven de fantasías. Aquí no hay fantasías, esto sí es Grandes Ligas. Aquí no hay tiempo para hablar mierda en redes sociales. Eso lo dejo para ustedes, los anormales. Yo no hablo, yo lo hago. Yo soy bueno, no soy malo. Pero si no hay pago, placa, placa del palo. Trio Fest, la de, eso lo saben. Estos payasos nuevos no valen. La vida es una, vívela, ya tú sabes. Quien pa' descanse Dani, disfruta el cielo. Se fue en vicio. La DJ que no barre la music, que gasta el piso. Ella anda sola y sola lo hizo. Se fue en vicio. Tú le invitaste y ella se vino. Fue porque quiso. Ella anda sola y sola lo hizo. Comenzó la fusión. Chino me envió este beat, me dijo que es croncatón. Rápido me monté sin discusión. Llego en el luce como ese ritmo no caduca. Camarela, pásame la juca. Juca, pa' tomarla como jugo fruta. Y ya se lo bebí y lo disfruta. Se me trepa encima y se me bate como yuca yuca. Se fue en vicio. La DJ que no barre la music, que gasta el piso. Ella anda sola y sola lo hizo. Se fue en vicio. Tú le invitaste y ella se vino. Fue porque quiso. Ella anda sola y sola lo hizo. Oh,

son voile noir sur la cité. Sa robe scintillait de milliers de lumières oranges. Ouvrez les yeux, vous êtes à Marseille. Je suis de l'époque où cette ville a connu tant de peine, où sa jeunesse s'envoyait du rêve dans les veines. Lorsque les vrais avec leurs poèmes menaient les chrysanthèmes, mais que les grands baladaient les fers dans les vestes. Fossé ancré dans mon ADN, claquette et KDM. On refait le monde assis sur le capot de la BM. Coincé entre mépris, des poches gonflées de thunes et les buts insipides des bouffes qui se font gonfler le cul. Je suis un enfant des grues, des containers, mais considère que ce petit lopin de terre nous confédère. On suit la voix du Mike de la Solia Benza, IAM, MRS. Je marche en bande organisée, pas là pour sympathiser. Ils ont pas cru en moi, t'inquiète, au final ils ont réalisé. Vois pas si tu sais pas teaser, tire pas si tu sais pas viser. Je traînais au quartier jusqu'à tard, je me rappelle que maman crisait. Samedi soir électrisé, pareil que ça se fight au vieux port. Sortie de boîte arrosée, Brunja ça veut s'arroser. On passe en décapotable, comme des bad boys. Mais vu nos têtes, Chiquita elle veut pas causer. Elle sait que ça veut pas se poser. C'est la guerre comme Savastano et Salvatore Conte. Les petits ils savent pas lire, mais t'inquiète, savent conduire et compter. Règlement de compte, tout cagoulé comme sur l'île de beauté. Fais gaffe, tu peux te faire donner par un mec dans le parc d'à côté. On dit plus Versace, on dit chemise à l'Alger. Lunettes quartier, les petits ont repris le renté. Bois un coup à ma santé, c'est PD font que me SV. Change de fuseau horaire, j'fais le tour du monde, j'suis jet lagué. Marseille la nuit, ça roule en bolide. Brelique, ça veut du liquide. Wahed hypocrite, tu portais le masque avant le Covid. Ça va trop vite, même ton ami te trahit. De rafaler, présente les condoléances à ta famille. Les petits en roue arrière, sur la canebière, sur le cross volé. J'ai vu sur la mer, j'ai trop vu la mer. Arrête de t'affoler, on fera pas. Faire. Tu prêtes 20 000 euros pour pas te rembourser, il est capable de faire. On bosse avec des couches tard. Eh ouais, l'Alger de la case, on bouge tard, on bouffe tard. La quicheta ou la pouche. Tous les jours, j'attends mon heure, les genoux nourrissent ma peur. En cours, j'étais rêveur, mais mes couilles, c'était mon moteur. L'adresse, c'est quartier nord, les traîtres, c'est la bac nord. La brèche, c'est le disque d'or et le reste, c'est du désordre. Eh ouais, amour aimé au Marseille, c'est devenu Rio. J'ai les mains dans la cra, depuis ma clé, mon pote, j'en deviens malade vegan. J'fume que la salade des boîtes, faut du recalage de billes, corbière le calage, Joule. C'est normal, Ayam, c'est normal, les louches, c'est normal, psychiatre, c'est normal, STH, c'est normal, Alger, c'est normal, Fahar, c'est normal, la lance, ouais, c'est normal, viens. J'suis Marseille, drapeau hissé comme d'un hit, ça va tirer, on se propage, y'a pas de remède. C'est le 13, organisé, le produit légalisé, et ouais, dans ma ville, j'suis tombé love d'elle. On a zoné, sous le soleil. Bang, bang, bang, tu nous connais, Madin Marseille. J'ai coupable, ce rap c'est la soupape. Notre-Dame nous garde, on parle pas de quota. Diversité incroyable, surtout pas de faux pas. 10 000 MC à la table, relis bien le contrat. On rentre pas à l'étable, vérifie le combat. On voit que nos gueules sur la carte, et si on donne ce qu'on a, afin que nos gens nous acclament. C'est parce que Mars est une arme, mais nous c'est putain de balles. C'est elle qui régit nos âmes, toile de fond de nos vies. Vas-y traite-nous de sauvage, une mère connaît ses petits. Plus il en viendra, plus on aura sur le parvis. Tu sais ce qu'on dit, là on brandit, c'est reparti. On remet ça, j'suis Marseille, les vrais le savent. Qui tu perds, 13-0-13, le crime est sale. Le message pour les braves, le métal pour les traves. Une rafale pour les poucaves et les poutas. Ancienne école, nouvelle école, tu crois y quoi? Ça bouge pas, on veut tout prendre, quitte à te faire danser la zumba. Dans nos halls, on vise le haut, pas le choix, c'est normal. Faut que ça rentre comme si c'était le dernier repas. C'est les quartiers nord, quartiers sud, serrés. Ouais, ouais, j'ai pas rasé les murs, j'les ai rayés, hein. Elles veulent plus d'amour, elles veulent ta CB. Ouais, ouais, nos rues restent un cauchemar, ne m'éveiller. Tu sais comment on fait, tu sais comment on est, tu sais comment on sait. Trempé dans l'aluminium, quand ça s'envenime, elle est toxico sur Rupnol. On veut soulever la coupe, l'opinel entre deux côtes. Sans sur les switchers, des talons, des protestes, la caisse, il sort que des chocs. J'serai jamais vraiment niche, riche du cœur et riche. J'suis fort et tout, mais les pas y'a personne qui les digère. J'vais pas mourir de vieillesse, flash devant la lime. C'est tout pour le frigo, c'est tout pour la frime. J'arrive comme un ouvrier branche en puta madre et mal poli. Tellement de floconneuses qu'on se croirait en Laponie. Front du collier à la Tony, s'autogère comme à Napoli. Terre de geeky, pop pop à l'agonie. J'suis Marseille criminogène, la grande cité des rêves. J'suis l'amour entre les reilles, j'suis la guerre entre les reilles. Personne d'auréolé, un 3 te mettra la trique. Mais quelque chose d'auréolé, un 3 te mettra à trique. Quartier S, quartier M, tombe pas dans le même sens que le Glock. Que de l'avant, droit devant, toujours dans le même sens que le Glock. Qui trahit le pacte, finira comme le Pâques. La vie sépare la mort, elle rap rassemble les foules comme le pape. Bang, bang, bang, Je m'enseigne, drapeau hissé comme d'un hit, ça va tirer. On se propage, y'a pas de remède. C'est le 13, organisé, le produit légalisé. Et ouais, de ma ville, je suis tombé l'hôtel. On a zoné sous le soleil. Bang, bang, bang, tu nous connais, Madin Marseille. Bang, bang, bang, bang, bang, bang. C'est le côté obscur. Bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang. C'est bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang. DJ Florum. C'est le côté obscur. Sombre monarque débarque et étale son pouvoir. La puissance de l'ombre s'installe. Non, ne résiste pas, ne lutte pas, ne te détourne pas de la main tendue vers toi. Ou je vais explorer le royaume de tes peurs en devenir le dictateur pour mieux te dominer. Là, tu deviens raisonnable, c'est bien, oui. Tombe sous le charme pour de meilleurs lendemains. Pour les rebelles, la force est trop forte. Je balaye les petits Ewoks comme le vent balaye les feuilles mortes. Les indécis sont avertis qu'ils se méfient de la seule étoile qui se fond dans la nuit, le bastion du bas fond du pays en action. L'énergie dégagée génère une telle attraction que vers lui se tournent enfin tous les regards pour s'apercevoir que l'espoir émerge du noir. Une partie de tout homme, la force manipule de rien. Il suffit pour que l'être bascule, que les yeux de l'aveugle s'ouvrent, qu'il contemple Mars de l'obscur côté. Le temple n'est pas peur, ouvre-moi ton cœur. Viens vers l'empereur, sentir la chaleur de l'obscurité. Pour toi, il est l'heure de rejoindre l'armée des guerriers de l'ombre. Ne vois-tu pas ton côté clair qui succombe, c'est ta destinée. Pourquoi vouloir lui résister sans peine? Je ferai sauter les verrous de ta volonté. Sois l'autre dans la noirceur la plus pure de l'empereur et arbore les couleurs du côté obscur. Obscur, ta force est noire, noire comme le château où flotte l'étendard. Notre drapeau, sois sûr que sous les feux la vérité est masquée. Viens, bascule de notre côté obscur. Ta force est noire, noire comme le château où flotte l'étendard. Notre drapeau, sois sûr. Les feux, la vérité est masquée. Viens, bascule de notre côté obscur. Nous devons tous deux unir nos efforts pour l'attirer vers le côté obscur de la force. Je suis le fils de Jafar, le sale rejeton de Dark Vador. Le grand cador du maniement, le mic j'adore. Adapter ma technique à la manière du caméléon. Sans pitié pour mater la rébellion. Millénaire, salive empoisonnée, langue amère. Un pilote V50 en tant que sabre laser. Quoi, ma conscience comme seule médaille. Je traque et je tripe sans remords tous les chevaliers de Jedi. La haine monte en toi, je le sais parfaitement. Je vois ta main droite gantée de noir. C'est sans espoir, la mutation s'amorce. Ta nature que tu obtures le côté obscur de la force. Viens vers moi, passe le pont de part en part. Rejoindre ma demeure dans la lune noire. Mars et l'Empire, je lance mes troupes à terre pour éradiquer ce nid de Jean-Claude Godin Skywalker. Petit présomptueux, ne vois-tu pas le nombre déployé? L'armée des ombres, tu seras éliminé. Au nom des forces mystiques qui habitent là dans mon cerveau, je ne donne pas cher de ta peau. Le souffle de la force est en moi. Le microphone crépite, crache des tas de flammes sur les poil, fils de Dieu, tremble mais lutte avec ses armes. Renverse les credos qui lui semblent erronés. Brise les traîtres de la tête opéronnée. Par la peur, l'ennemi reste sclérosé. Longue vie au règne de la nuit. D'une théorie qui renverse les croyances établies. Aide-moi. Idiot, il est trop tard. Tu appartiens au sinistre sombre seigneur vêtu de noir. Casque souffle rock sous une armure. Du soldat le plus dur de l'empire du côté obscur. Obscur, la force est noire. Noir comme le château où flotte l'étendard. Notre drapeau, sois sûr que sous les feux la vérité est masquée. Viens, bascule de notre côté obscur. La force est noire. Noir comme le château où flotte l'étendard. Notre drapeau, sois sûr que sous les feux la vérité est masquée. Viens, bascule de notre côté obscur. Fais ce dernier pas en direction de la force obscure. Comprends-tu maintenant ce qu'est la force obscure? La force. Oui, la force. Dans ce rap biz, on est arrivé les mains dans les poches. À l'époque c'était en voile beat, on fait le truc à l'arrache et laisse parler la rage. Moi et mes potes on veut graver ça dans la roche. On a la dalle et rien dans le beat. Depuis le blaze a tourné, tu connais la suite. Tout ça est passé bien vite, tout c'est que j'en suis. Dans la vraie vie, oui c'est de ça dont je parle. Ce serait mentir si je dirais que c'est pareil. Déjà je suis moins sur la paille et je suis sorti de mon trou. Voir du pays est vide, des moments forts avec mon trou. Qui fait entre nous et rendre fiers les nôtres qui nous ont connus et soutenus avant tous les autres. C'est pour les mecs de chez nous, les équipes de l'équipe Baroud, ou qui restent postichés ou que j'ai entre trouilles. Là où je suis dans mon élément, là où j'ai tellement passé de temps à qui fait rien faire, je suis presque un meuf qu'on peut pas déplacer. Comme une encre impossible à effacer, comme un tag à l'acide, comme mon blast gravé à la bougie sur les vitres du RER, SNIPER avec un putain de lettrage. La tête s'y t'accroche pour nos familles et nos proches, c'est gravé dans la roche. Sorti de nulle part, c'était écrit, c'est pas un hasard. Un jour notre place sera gravé dans la roche. Lâche pas, on s'accroche, du but on se rapproche. Son disque sous le porche, c'est gravé dans la roche. Maintenant même les mêmes, on retranscrit la vie qu'on mène. Sur disque ou sur scène, c'est gravé dans la roche. Tout ce qui s'est passé, j'ai pas changé. J'suis toujours le même enfoiré, je tourne pas ma teubée. Non, j'garde mes principes et mes points d'attache. J'quitte pas la célébrité, j'ramasse juste mon cash pour mes points de repère, sinon j'suis du père. L'ami Falago, les compères, c'est plus près. Rien à foutre de leur hip-hop, jet set. J'profite de la chance que j'ai, j'joue pas le gain riche, j'me prends pas la tête. J'suis pas une vedette et j'veux pas en être une. J'suis pas mieux qu'un autre, j'ai pas marché sur la lune. Gravé dans le bitume, gravé dans la roche. Juste ma plume et mes proches, j'me rappelle de nos débuts. 9-7, commencement de l'histoire. Proposition de l'album, on voulait même pas y croire. 30-01-2001, la machine se met en route. 2003, toujours le kiff, le succès, rien à foutre. Maintenant qu'on est hal, on compte bien y rester. Gravé sur la dalle, aimer ou détester. L'aventure continue et continuera. Inch'Allah, qui vivra verra. Écoute, hoche, la tête s'y t'accroche pour nos familles et nos proches, c'est gravé dans la roche. Sorti de nulle part, c'était écrit, c'est pas un hasard. Un jour notre place sera gravé dans la roche. Lâche pas, on s'accroche, du but on se rapproche. On retranscrit la vie qu'on mène. Sur disque ou sur scène, c'est gravé dans la roche. J'ai presque arrêté le chambre, fini de rapper dans ma chambre, tu sais. Tout a changé depuis le 11 septembre. Mais pour vrai, c'est idem. Du kiff-kiff au final, t'as reconnu la voix que t'aimes. La même signature vocale. Chacal à l'arrache, du hip-hop sans complexe. Tellement gravé dans la roche, j'allume mes clopes au silex. Riche pas encore, toujours le même problème de flou. Cette maladie incurable qui soigne par pack de 12. Hey. Ma belle, y'a pire, bâche-tu à la tâche, respire. La vie est belle, ça s'écrit pas VIH. Toujours le même salaud, dégueulasse, efficace. Rapace qui joue le beau, alias Tunisiano. Mon premier cassage de dos, comme mes premières thunes. Mon premier pas en studio, comme le premier pas sur la lune. Les mêmes raclis, les mêmes cliniques pressentis. Orti, Zerasum Roti ou Zokiati. Les mêmes histoires d'Alma, Chilo, R. Kelly. De la mort de Biggie, au pont de l'Alma et les Didi. Ici, tu hoches la tête, l'album te met en transe. Sniper gravé dans la roche, on revient choquer la France. Et approche, écoute, hoche, la tête si t'accroche. Pour nos familles et nos proches, c'est gravé dans la roche. Sorti de nulle part, c'était écrit, c'est pas un hasard. Un jour notre place sera gravé dans la roche. On retranscrit la vie qu'on mène. Sur disque ou sur scène, c'est gravé dans la roche. Je rappe ghetto, ouais je rappe ma vie. On persiste et on lâche pas prix. Gravé dans le beat. On vient pour contrôler le réseau, ouais. Marqué de mon empreinte sur mon kiosque. Et approche, écoute, hoche. La tête si t'accroche pour nos familles et nos proches. C'est gravé dans la roche. Sorti de nulle part, c'était écrit, c'est pas un hasard. Un jour notre place sera gravé dans la roche. On lâche pas, on s'accroche, du but on se rapproche. Sur disque ou sous le porche, c'est gravé dans la roche. On retranscrit la vie qu'on mène. Sur disque ou sur scène, c'est gravé dans la roche. À l'époque, ils trouvaient tous qu'on manquait d'envergure. Que le rap c'était pas de la zik, qu'on ramènerait pas d'air pur. Mais moi, je voulais faire pire, créer un truc hyper dur. M'installer 20 puis j'ai fabriqué un son hyper dur. T'as pris, faire, bête, l'avenir est à nous. Si la route fut pas perfecte, ça fait du taf, tout ça mis bout à bout. Juste un petit goutte à goutte, une infiltration. Devenu fleuve aujourd'hui donc, vas-y foutu à fond. Tu pars ta tête haute, les bras en l'air. Faut que les têtes sont ton ennemi, les bras en l'air. La merde qui est dans l'air. On flingue ça dans l'heure, qu'on le fasse en cœur. Juste avec des micros, un clavier, un sample. T'as capté le délire, l'avenir est à vous. Y'a pas de cas, y'a pas de si, y'a pas de ça, y'a pas de cas où ça passe pas. Non c'est sûr, c'est rap sur écran plasma. Beat fat, rime lourde, une grosse basse et basta. C'est vrai que ça tourne. L'avenir est qu'il soit plus question de parler de musique tabou. Ça tue partout, dans les boîtes comme dans les halls. Jamais du rêve pour les mots, et du gros sont pas les gros. C'est vrai que ça tourne, l'avenir est à nous. Qu'il soit plus question de parler de musique tabou. Ça tue partout, dans les boîtes comme dans les halls. Jamais du rêve pour les mots, et du gros sont pas les gros. 2005, t'as attentat, je fais 6 heures à des actes. Tu vis comme le Z5, moi je reste simple et je les actes. J'ai tellement d'ambition que l'avenir me craint. J'ai déraillé le train, train, j'ai plus de vis qu'un train. J'ai pillé le temps à mon horloge, reçois des éloges dans ma loge. Je baisse la réussite avec un schlasse à la gorge. Je vends bien comme un GGN, je s'échelle, je les gèle, je les gèle, je les aigne. Comme un russe par les tchétchènes, une métaphore est scénique. J'en gagne, bon, scénique, présent scénique. Comme le soleil, je brille au zénith, je brûle les élites. Je leur fais de l'ombre, donc ils marronnent. Quand je rappe, tiens une tête, comme si j'avais foiré leur daronne. Tout ce que j'ai fait, j'ai de quoi faire, faut s'y faire. J'arrêterai quand le bonheur en poussera tout ce que j'ai souffert. Le rap, mon affaire, le polyque près du scoop. T'inquiète, c'est le groupe, mon flow, c'est le scoop. Je porte la rue comme une coupe. C'est vrai que ça tourne, l'avenir est à nous. Qu'il soit plus question de parler de musique tabou. Ça tue partout, dans les boîtes comme dans les halls. Jamais du rêve pour les mots, et du gros son par les gros. C'est vrai que ça tourne, l'avenir est à nous. Qu'il soit plus question de parler de musique tabou. Ça tue partout, dans les boîtes comme dans les halls. Jamais du rêve pour les mots, et du gros son par les gros. Quelle chance, quelle chance, quelle chance d'habiter la France. Dommage que tant de rappeurs fassent preuve d'incompétence. Dans l'ambiance générale, mon flow s'installe normal. Dans mon quartier, Camaro devient un acte trop banal. Alors, c'est dans le respect que je prends le relais, le drapeau de ma ville sur le rap français. J'ai le sourcil foncé, je viens pour défoncer les portes renforcées après cette défoncée. Un nouveau track lancé, le dance floor crack sous l'effet rap lourd et c'est le crack boursier. Je donne pour le sud dans ma lancée. Donne-moi Poucar, mets-toi à balancer. Danse rap rincé, rien à prouver, tout à prouver. Je remets les gants après le chaos trempé. Yeah, c'est un peu comme le tsunami. Sous la première vague partie de la seconde, on se méfie. C'est vrai que ça tourne, l'avenir est à nous. Qu'il soit plus question de parler de musique tabou. Ça tue partout, dans les boîtes comme dans les halls. Jamais du rêve pour les mots, et du gros son par les gros. C'est vrai que ça tourne, l'avenir est à nous. Qu'il soit plus question de parler de musique tabou. Ça tue partout, dans les boîtes comme dans les halls. Jamais du rêve pour les mots, et du gros son par les gros. C'est vrai que ça tourne, l'avenir est à nous. Qu'il soit plus question de parler de musique tabou. Ça tue partout, dans les boîtes comme dans les halls. Jamais du rêve pour les mots, et du gros son par les gros. C'est vrai que ça tourne, l'avenir est à nous. Qu'il soit plus question de parler de musique tabou. Classique rap français, l'ancienne. D'ailleurs, on va vous prévoir une web radio spéciale rap français ici. Ce sera disponible sur le site de masterfm.fr. On continue le mashup de DJ Floram sans pub ici tous les vendredis 19h30, 21h avec Lorenzo, Franglish et PLK. Maintenant avec Hamza, voici Pilote. En gros format comme à la télévision. Je les calcule pas, cela c'est des gros bidons. Sur chaque transact, je touche ma commission. Je suis toujours en mission. 9-2, c'est la maison. Je pilote la caisse, ma chérie, t'en fais pas. Si le compte est pas, tu sais bien que tu sais pas. Je pilote un Porsche qui fait le prix d'un F3. Raptor sur le périph' en accord. Je me demandais comment on se connaît, toi. T'es comme les autres, tu veux m'embler. Je me demandais comment on se connaît, toi. T'es comme les autres, tu veux m'embler. Qu'on quitte le pays, qu'on aille se balader. J'ai des affaires à conclure, des trucs que je peux pas rater. J'ai la ceinture rouge dans la MG, mais je fais pas de karaté. En moi, je trouverai pas la paix. Mon cœur est noir comme Scarabée. J'ai mis la dernière EP, frère, toujours OP. J'ai le numéro du bave et si je finis mes notés. J'ai des idées plutôt bressons. Je suis sauté, je suis sous potion. Ma sœur m'a dit que je suis grossier, mais que je fais aussi des gros sons. Elle veut qu'on quitte le pays, qu'on aille se balader. J'ai des affaires à conclure, des trucs que je peux pas rater. J'ai la ceinture rouge dans la MG, mais je fais pas de karaté. En moi, je trouverai pas la paix. Mon cœur est noir comme Scarabée. Ouais, ouais. J'pilote la caisse, ma chérie, t'en fais pas. Si le compte est pas, tu sais bien que tu sais pas. J'pilote un Porsche qui fait le prix d'un F3. Raptor sur le périph' en aqua. J'me demandais comment on se connaît, toi. T'es comme les autres, tu veux m'embler. J'me demandais comment on se connaît, toi. T'es comme les autres, tu veux m'embler. J'ai de la Maria, hors des Pays-Bas. J'suis dans la Benzo, t'es dans l'anonymat. Et dans mon bloc, c'est la cause à Nostra. Tu raptas, tu as son boulot en tata. Sur mon glock et basta. C'est que les euros dans mes pensées. Elle veut que du henny, pas du rosé. Pull up la marina sur un jet ski. Dans la mer, les devoirs recommencer. Baby, non, non, non, non, non, non, non. Tu veux sauce, car baby, il se trouve devant toi. Je vois même plus, je pleure avec son pull. Elle veut qu'on quitte le pays, qu'on aille se balader. J'ai des affaires à conclure, des trucs que je peux pas rater. J'ai la ceinture rouge dans la MG, mais je fais pas de karaté. Oh non, non, je t'en ferai pas la peine, mon cœur est noir comme Scarabée. J'pilote la caisse, ma chérie, t'en fais pas. Si le compte est pas, tu sais bien que tu sais pas. J'pilote un Porsche qui fait le prix d'un F3. Raptor sur le périph' en aqua. J'me demandais comment on se connaît, toi. T'es comme les autres, tu peux m'embler. J'me demandais comment on se connaît, toi. T'es comme les autres, tu veux m'embler. Yeah. Sorry. Mashup. Oh, oh, oh. Session Master. Pour toi je fais du bif toute l'année. Baby on va s'en aller. So fresh, so clean, on darling. Baby on va s'en aller. Pour toi je fais du bif toute l'année. Baby on va s'en aller. So fresh, so clean, on darling. Baby on va s'en aller. Oh, oh, oh. Bonita, viens avec moi. Bonita, viens avec moi. Bonita, viens avec moi. Bonita, viens avec moi. My salsa, oh, my salsa, ma salsa. The girls they love me, yeah. My salsa, oh, my salsa, ma salsa. Don't talk about no, no, it, no. My salsa, yeah. My salsa, ma salsa. The girls they love me, my salsa, oh, my salsa, ma salsa. Don't yeah. talk about baby, it. Baby, on se barre d'ici, fais ton aile globe. Fais tes valises et choisis tes plus belles robes. Tu seras mon international woman. White on white, c'est le dress code. Daddy going to the bank, baby. Je récupère de quoi te mettre à l'aise, baby. T'inquiète, je gère, baby. Laisse-moi faire, baby. Everything is gonna be okay, mommy. Just papi et mommy. Fais la fête toute la nuit. On sera loin des ennuis. Dis-moi si tu préfères avoir mon cœur ou ma CB. Si tu le mérites, allez te bébé. Mamacita, je suis l'homme qui te manque, yeah. Pour toi, je fais du bif toute l'année. Baby, on va s'en aller. So fresh, so clean, on dale. Baby, on va s'en aller. Oh, oh, oh. Bonita, viens avec moi. Bonita, viens avec moi. Bonita, viens avec moi. Bonita, viens avec moi. My salsa, oh, my salsa, ma salsa. The girls, they love me, yeah. My salsa, oh, my salsa, ma salsa. Don't talk about no, it, no, no. My salsa, yeah. My salsa, ma salsa. The girls, they love me, they love my me. Salsa, oh, my salsa, ma salsa. Don't talk about sorry. It. Look at me rich, I got a 100 bands, and she doing the splits. She on a fucking handstand. When I walk in the strip, she wanna talk the yeah yeah to me. Quit talking pussy to bomb bag gag. When she look at the roof, break stars doing the dance for me. Big money coming for nothing, do the dash on her. Made in my house, can't take her running a bath for me. Ain't no vision on a mission, we catching fast money. Look at my bitch, then take a look at my wrist. I spent 100 on the rocks like I was cooking that bitch. I was jugging, doing these pussy niggas crooked and shit. And I was broke till I was sick of that shit. Sorry. Pour toi, j'fais du beef tout plein. Baby, on va s'en aller. So fresh, so clean, on dale. Baby, on va s'en aller. Pour toi, j'fais du bif toute l'année. Baby, on va s'en aller. So fresh, so clean, on dale. Baby, on va s'en aller. Oh, oh, oh. Bonita, viens avec moi. Bonita, viens avec moi. Bonita, viens avec moi. Bonita, viens avec moi. Beaucoup de compas tous égaux, dans l'équipe que des vrais gars. Sur le matelas que des vrais gos. Des étoiles comme GTA, pervers comme Gepetto. Discret comme la CIA et puissant comme le BHO. Tac là, ça, ça, carton rouge. J'tire un coup fort sur son boule. Bah les couilles, couilles, couilles, des coups de sifflet. 69 ans retourné, l'entraîneuse veut me recruter. Tac là, ça, ça, carton rouge. J'tire un coup fort sur son boule. Bah les couilles, couilles, couilles, des coups de sifflet. 69 ans retourné, l'entraîneuse veut me recruter. Sourire léger pour t'attirer. Affamé, équipé, faites pleuvoir les billets. Rico roule à gros bonnet d'âne, il faut le chalumeau pour l'allumer. Des panenka comme le Zidane, quelques grosses pertes. pour la tête et je pose pas mes couilles sur la table. J'aurais bien trop peur de la rayer. Dangereux quand je pète un cap à tête de forain dans la mêlée. TMT, c'est bail de CC pour la pile et la carte est vitale. Je nous c'est pas éclairé avec les crapules et les vandales. Moustache, je suis un peu bronzé, les cheveux plaqués comme un rital. Nique les qualifications, chaussée crampon pour que pour la finale. Wow, elle a, elle a la couleur maroco, les cheveux frisés. Elle a, elle a, elle a ce genre de bas du dos qui me fait vriller. Les femmes, j'en parle au purel, séducteur comme Patrick Bruel. Billet rangé dans le caleçon pour donner l'odeur à mon oseille. J'appelle un pote, j'ai que deux mains et dans la pièce à quatre culs. Dans 10 ans, j'irige le monde d'après mes calculs. Ta classe à 5 cartons rouges, j'tire un coup fort sur son boule. Bah les couilles, couilles, couilles, des coups de sifflet. 69 ans retournés, l'entraîneuse veut me recruter. Carton rouge, j'tire un coup fort sur son boule. Bah les couilles, couilles, couilles, des coups de sifflet. 69 ans retourné, l'entraîneuse veut me recruter. Hey, hey, hey. Ta classe à 5 carton rouge, j'tire un coup fort sur son boule. Bah les couilles, couilles, couilles, des coups de sifflet. 69 ans retourné, l'entraîneuse veut me recruter. La TN, le bitume, la bécane, le bitume. Sors ma vie, ça fait qu'un. Je veux plus voir ni les joy, ni les profs, les boucaves, les baltringues. Dans nos rues, toute cette merde, ça fait qu'un. Banal, c'est l'enfer en mieux. Je croise les doigts pour les miens. Tu te fais arracher ton sac comme tu te fais endormir ton feu. Les rapports se passent au volant. Tu passes du ref à ami, tu passes du ref à ami. Si je vois trop tes yeux sur mon bif. 9, 1, la TN, le bitume, la bécane, le bitume. Sors ma vie, ça fait qu'un. Je veux plus voir ni les joy, ni les profs, les boucaves, les baltringues. Dans nos rues, toute cette merde, ça fait pas de cœur. Sous ma chemise Gucci, sous ma chemise Gucci, je cache encore une autre Gucci. Ouais, les jours passent et le mental s'endurcit. J'tire une barre de bouffi, j'tire une barre de pasta et je fuck la vie, les soucis. École du parc au biche à jouer avec des balles en mousse. Aujourd'hui, le crime paye donc j'suis dans tous mes balles à douce. Ennemi, t'es pas chez toi donc des sapes t'as fait une danse. J'élimine tout dans le lavabo le matin vers 6h10. On charge, médité, dans deux blancs, on dit blanc. Fantôme, des mal carrés sur les champs. 9 ans, 1, 3, 9 ans, 1, 3. Des grosses steaks, j'les envoie. Ramène un bavard, on le laisse sans voix. S'il faut le refaire, on le refait sans voix. Mon pétard n'a pas de sang froid. 1, 3, béton, réseau, KX, T-Max, R1, RR. Les locations grosses gammes, les RS, les sacoches, les CZ, les lasers, ça fait qu'un. Tu connais, méga T, QH1, QH2, on a le shit et la bœuf. Trop bien conditionné, des pitons sur des fronts, des couteaux sous la gorge. Moi je veux mettre 10 minutes du portable à la porte. C'est qu'on fait pas plaire, ni qu'on faut ouvrir un box et sortir des outils. Je trouve pas qu'on est maudit, j'y pars dans un blue jean. Ça dit donne-moi la caisse, cagoulé dans la boutique. On rentre chargé, médité, dans deux blancs. Steak, je les envoie. Ramène un bavard, on le laisse sans voix. S'il faut le refaire, on le refait sans voix. Mon pétard n'a pas de sens. Si il faut, t'en fous, je le lave, rien que je le relave. Des tonnes de haches sur la bleutade de la cave. Les cons décollent aux fesses comme le PQ quand je me relève. Après nous, c'est mort, y'a que les mythos, y'a plus de relève. Marseille, Nord, autoroute à 7. Tout le monde aux assiettes. Tu nous dis que t'as la repu, mais c'est de la 07. C'est de la 07. Vitesse aux palettes. Marseille, Nord, autoroute à 7. Chargé, médité. De blanc, on dit blanc. Un fantôme, les mal carrés sur les champs. 9 ans, 1, 3, 9 ans, 1, 3. Des grosses steaks, je les envoie. Ramène un bavard, on le laisse sans voix. S'il faut le refaire, on le refait sans voix. Mon pétard n'a pas de sang froid. J'suis tenté, j'dois l'avouer. J'pensais à nous tous les jours. C'est logique, y'a aucun retour. Tout ça c'est relou, yeah. Parfois, j'suis dans l'excès. Ma folie me joue de tout. J'sais même pas pourquoi. J'voulais pas y croire. C'était notre histoire. On est devenus si distants et c'est le j'ai donné mon cœur, je ne ferai plus jamais. J'ai trop de rancœur, ça n'arrivera plus jamais. Ouais, j'ai déjà donné, ça m'arrivera plus jamais. J'ai donné mon cœur, je referai plus jamais. J'ai trop de rancœur, ça n'arrivera plus jamais. J'ai déjà donné, je referai plus jamais. Ouais, j'ai déjà donné, je referai plus jamais. Lately, I've been holding on to things we said. Heartbreaks and darkness. Shouldn't have to be just be. If I give you space, someone's gonna take my place. Oh, we couldn't my best place. Girl, I'm gonna say this, don't feel. plus qu'à rien. J'ai donné mon cœur, je referai plus jamais. J'ai trop de rancœur, ça n'arrivera plus jamais. J'ai déjà donné, je referai plus jamais. Ah, Yana Kamura à l'instant avec Stormzy pour Plus Jamais, remix par DJ Florum. Et vous lâchez meilleur remix. D'ailleurs, DJ Florum va vous lâcher deux compiles pour avant la fin de l'année. En tout cas, il y a le mashup Winter 2020 et un spécial mix jour de l'an. On va vous mettre tous les liens dispo sur le site de la radio masterfm.fr ou alors directement sur sa page Facebook DJ Florum. On est reparti avec Lele Pons, c'était Nota, Prince Michel et Mia pour le classique de Ghetto Superstar, remix de Stravos Martina et Kevin Day. Mais avant, DJ Razim Khan, Jowell et DJ Goomb pour Adrenalina. Maintenant Master jusqu'à 21h, le mashup de DJ Florum. Suéltame en bas, dámelo a mí, dime ya le llegué. La nota está puesta para ti, dime ya le llegué. Yo sé que tú lo bailas bien, seré yo quien reclamaría tu cuerpo y te voy a encender. Y amanecer, juntos prender, mientras tu cuerpo pide. Adrenalina, adrenalina, adrenalina, ya. Adrenalina, adrenalina, adrenalina, ya. Caliente. Y no te pases. estás. No es la primera vez que esto me pasa. A ti tú lo has visto muchas veces. Por más que disimule, ya lo sé, sé, sé. Se te nota que quieres de mi boca. Cuidado que si te toca, no quieres parar. Ay, ay, ay. Se te nota que bailando te alocas. Yo sé que te sofoca mi manera de perrear. Ay, ay, ay. No beat music. Yeah. Lole Pons. ¿Y tú? Mi chichi. El Wainavichi. One spectacular, even if I trail a lot of y'all, they met a stop like she doing a comeback. Look how she beat it like a drum, drum. Anytime she a come, my girl. Classique de Guinea Wine à l'instant, Pony remixé par DJ Florum comme tous les vendredis soirs entre 19h30 et 21h. Les mashups d'ailleurs de DJ Florum, les podcasts de ces émissions, vous les téléchargez maintenant, elles sont disponibles sur le site de la radio masterfm.fr. Vous likez notre page Facebook aussi, MasterFM France, ou alors la page Instagram. On se fait plaisir tous ensemble, si vous voulez balancer un petit message, il n'y a pas de problème. Pour la suite, voici MHD, classique, Afrotrap, Sean Paul, et avant, voici Data, le mashup de DJ Florum jusqu'à 21h. Okay, let's go. Yo, sexy ladies, my bar with in the car with us, them not war with us. Inna the club, them want flex with us. To get next with us, them not vex with us. From the day my bond tag, night my flame. Girl, I call my name and it is my fame. It's a good girl, turn me on till the early morn. Let's get it on, let's get it on till the early morn. Girl, it's a good girl, turn me on. Y'all bounce with it, don't get agitated. Y'all go out, rotate, car anything you want, you know you must get it. Now we name a mention, no easy tension. Girl, run the program, just go up in it. Now have a good time, girl, free up on your mind. Cause nobody can diss you, I'm holding it. Cause you are the number one, girl, wave your hand. Make them see the wedding band. The ladies want power with us, inna the car with us, them not war with us. Inna the club, them want flex with us. To get next to us, them not vex with us. From the day my bond tight, night my flame. Girl, I call my name and it is my fame. It's a good girl, turn me on till I heard them on. Let's get it on, let's get it on till I heard them on. DJ Florum. DJ Florum. Okay, let's go. Shake that thing, miss. Can I shake that thing, yo? Annabella, shake that thing, miss. Donna, yo, miss Jody, I'm the one named Rebecca, yo. Shake that thing, yo. Yo, Anna, shake that thing, yo. Annabella, shake that thing, miss. Can I do it, yo? Hey, yo, come and come to this. Sexy ladies want part with us. In the car with us, them not war with us. In the club, them want flex with us. They get next to us, them not vex with us. From the day my bond tag, now I'm a flame. Girl, I call my name, and it is my fame. It's a good girl, turn me on till the early morn. Let's get it on, let's get it on till the early morn. Girl, it's a good, just turn me on. Yo, sexy ladies want part with us. In the car with us, them not war with us. The club, them want flex with us. To get next with us, them not vex with us. From the day my bond tight, now I'm a flame. Girl, I call my name, yo, it is my fame. It's a good girl, turn me on till the early morn. Let's get it on, let's get it on. Kilos d'ailleurs, la cover maman, moi bonne somme. Au final tu veux s'amir. Passe-moi à travers. Jamais tu ne me graviras. Tu n'as pas de valeur. Jamais on ne se ralliera. Je ne connais pas le bon. À part celui dans la jungle. Drapeau est noir et blanc, je reste devant. Je préfère être à l'attaque. Si je n'ai plus de limite, je m'arrête au rond. J'prends mon linceul devant personne, je rejette tout. Je ne demande qu'à t'aimer, te montrer mon manque. Elle est le Versace, le DG. Elle est trop bonne, voilà les CB. Je vais l'emmener à l'étranger. Peut-être sur place, je vais les changer. Faire le clé ou l'étrangler. J'suis quand léger, que leur CB. J'trague à l'âme, moi et ni beaucoup de cas. Je la séduis, on tire dessus. J'entends des bruits, mais mon réserve, je la détruis. J'viens du neuf, de leur quality. Tu connais déjà l'état d'esprit. Elle m'a demandé combien ça coûte, comme si j'avais regardé. Tu sers la night, elle va s'en remettre si tu savais. Blanche au caramel, c'est son remède. Tu sers la night, elle va s'en remettre si tu savais. Blanche au caramel, c'est son remède. Nous restons sur le bateau, jamais il ne chavira. Je devais voir un son, au final tu veux s'amir. Passe-moi à travers, jamais tu ne me graviras. Tu n'as pas de valeur. Jamais on se ralliera. Pas plus loin, DJ Flo a mis en place ici tous les vendredis soirs entre 19h30 et 21h. Il prend sa résidence toutes les semaines comme un podcast, encore mieux hein, d'ailleurs, hein, puisqu'il mixe des sons exclusifs pour vous. Les sets changent toutes les semaines, hein, DJ Flo. Il a plein de sons à vous faire découvrir. À l'instant, c'était Maes et Booba pour Blanche. On continue avec Major Lazer, Dadju, PLK et Maître Gims avec Us l'Enfoiré pour Sicario. Maintenant, c'est Master jusqu'à 21h. Moi, c'est Us l'Enfoiré, tu m'as vu dans le carré. J'ai même pas démarré. Je vais pas vous ménager dans la zone. Si c'est la rue la vraie, ah ouais. Tu peux nous voir en vrai, ah ouais. Tu sais qu'on est carré, mais faut pas t'égarer dans la zone. Si c'est la rue la vraie, je suis dans la ville et j'accélère. T'es mal salaire, putain de sa mère. De Villeneuve à Gégen à Lierre, on a cassé toutes les barrières. Banana cash est bloqué dans mes pensées, je fais que ramasser, c'est pour mieux les dépenser. Je vais rester assis, je vais les regarder danser. Je me resserre un verre, je roule un tard pour m'ambiancer. Que des sicarios, que des sicarios. Y'a pas de grossiste, y'a pas de grossiste. Arrête de chanter, viens dans la zone. Que des sicarios, que des sicarios. Il n'y a pas de grossiste, y a pas. Arrête de chanter. Ce qui sort du four, c'est pas du pain. Je prends la vie comme elle vient. Ça s'en va et ça revient. Résonne comme un Colombien. Dans le four, c'est pas du pain. Je prends la vie comme elle vient. Ça s'en va et ça revient. Résonne comme un Colombien. J'ai démarré ma route sans que personne puisse vraiment me l'indiquer. Au pied de la tour Eiffel avec mes poignets hautement risés. Tu m'appelles en visio pour voir si je fais vraiment ce que je dis. Dis-toi que ces gens verront le giron se garer cet été. Allez voilà nos petits pas chaloupés. Tu veux donner la force, t'as qu'à danser. Le proviseur disait t'as qu'à bosser. Je viens d'Afrique avec un passé qu'à bosser. Et va y bosser, on va y bosser. Donna Maria comment va y bosser. Les marques sur mon dos ne peuvent pas s'effacer. La vie c'est dur parce qu'il y a trop de vie. Bello, sostenerlo de la mano, mano, mano. Bébé, c'est la vie, vie, vie. Bienvenue à Paris, vie, vie. Ce qui sort du four, c'est pas du pain. Je prends la vie comme elle vient. Ça s'en va et ça revient. Résonne comme un Colombien. Dans le four, c'est pas du pain. Je prends la vie comme elle vient. Ça s'en va et ça revient. Résonne comme un Colombien. Que des sicarios, que des sicarios. Y'a pas de grossiste, y'a pas de grossiste. Arrête de chanter, viens dans la zone 6. Que des sicarios, que des sicarios. Il n'y a pas de grossiste, y a pas. Arrête de chanter. Ce qui sort du four, c'est pas du pain. Je prends la vie comme elle vient. Ça s'en va et ça revient. Résonne comme un Colombien. Dans le four, c'est pas du pain. Je prends la vie comme elle vient. Ça s'en va et ça revient. Résonne comme un Colombien. Fais du sale. Fais du sale. Fais du sale. quand ça rentre, le papel quand ça roule en quoi qu'aime les rafles comme Raquel. Quand t'as la cité, ça dribble comme ma thème, des maillots, des bâtons, des gros, tu comme Mayem. Je conseille à personne d'être sur mon chemin. Défense sur l'album, défense sur l'album. Jamais, quand ça va péter, on ne jamais, on ne jamais. Quartier sensible, zone à éviter. Elle est trop bonne, mais c'est le putain, mais c'est le cadeau. Jamais je m'arrête, si elle est condée en 4-4-2, j'ai fait le tour de la terre. Jamais je t'arrange sur les affaires, gros pas quand je dois gratter ma pièce. On prend sa poste depuis petit, tu crois qu'on a peur de vendre la cesse. Si tu dis rien, c'est que tu te blesses, c'est ce que m'a dit. Jamais je m'arrête, si elle est condée en 4-4-2, j'ai fait le tour de la terre. Jamais je t'arrange sur les affaires, gros pas quand je dois gratter ma pièce. On prend sa poste depuis petit, tu crois qu'on a peur de vendre la cesse. Si tu dis rien, c'est que tu te blesses. Je vais faire le voyage, je vais t'apprendre comment traîner. Je vais faire le voyage, je vais pas la marier, je la baisse pour m'entraîner. Et si tu réussis, tes copains vont plus t'aimer. Et si tu réussis, tes copains vont plus t'aimer. Le report de la taxe, je peux durer les semaines. Cours, cours, madame, cours. Regarde, admire le bail, comment je suis trop méchant dans le truc. Oh la putain, envoie le joint, on va se faire, je m'en occupe. Bonnard, joue pas le con, pas de patch business, tu fais le pur. Je bois du champagne, je suis sur les champs. Combien je dépense, je ne sais plus. Je fume et je sirote, trop mécrant, les comptes des nous filoches. Dans mon van, c'est comme dans un cinoche. Ah bah oui, c'est pas ça la téloche. J'ai la nounou, j'ai pas caché mes bosses. Aucune miche ne va vider mes chances. Quand ça va péter, on ne fait jamais, on ne fait jamais. Quartier sensible, zone à éviter. Elle est trop bonne, mais c'est une putain. Mais c'est le cadeau, mais c'est le cadeau. On ne fait jamais, quand ça va péter. On ne fait jamais, quand ça va péter. Jamais je m'arrête. Elle est condée en 4-4-2, j'ai fait le tour de la terre. Jamais je t'arrange sur les affaires, gros pas quand je dois gratter ma pièce. On porte la poste depuis petit, tu crois qu'on a peur de vendre la cesse. Si tu dis rien, c'est que tu te blesses, c'est ce que m'a dit un homme. Si elle est condée en 4-4-2, j'ai fait le tour de la terre. Jamais je t'arrange sur les affaires, gros pas quand je dois gratter ma pièce. On porte la poste depuis petit, tu crois qu'on a peur de vendre la cesse. Si tu dis rien, c'est que tu te blesses, c'est ce que m'a dit un homme. J'ai livré des valises, on va quitter la street. J'ai vu du bénéfice qu'on va investir en Afrique. J'ai ce que c'est d'avoir la dalle, aujourd'hui je dis Dieu merci. C'est pas pour rimer la carte de crédit qui est magique. Western au Congo. Après j'ai changé d'habit Louis Gucci pour me sentir beau. Je rêvais depuis petit, donc j'ai pété le dernier Merco. Monte un peu dans le bolide, y'aura toujours ta place à tes cours. Comme le patron du four, on a les femmes, on a des bigots. T'as beau être le plus fort, mais pour t'éteindre, on a la méthode. Elle veut la barbe au doigt. Si j'ai plus rien, elle va me tourner le dos. Je leur donne sans oublier, par rancunier, j'suis genre de négro. Ma chérie fait des valises, on va quitter la street. J'ai vu du bel qu'on va investir en Afrique. J'ai ce que c'est d'avoir la dalle, aujourd'hui je dis Dieu merci. C'est pas pour rimer la carte de crédit qui est magique. Maintenant ça fait plus la queue, j'enfile mille nœuds, c'est mon pantalon. Moi je te dis que j'ai fait l'oseille, c'est que tout est bon. Va briefer tous les bacs, lui demander si c'est mon gamin. Ah quand y'a pas d'oseille, je me sens mal, je me sens faible. Pour oublier tout ça, tu tiens combien, remets dans le verre. Ils veulent ma sensé, ils veulent mon buzz, ils veulent me faire. Mais je suis pas tout seul, y'a tous mes frères, y'a tous mes frères. Ma chérie fait tes valises, on va quitter la street. Comment investir en Afrique? Tout ce que c'est d'avoir la table aujourd'hui, dis Dieu merci. C'est pas Paris mais la carte de crédit qui est magique. Oh, si t'es le vendo, le vendo, c'est le scénario. Moi j'ai rêvé des valises, on va quitter la street. J'ai fait du bénéfice, on va investir en Afrique. Jusque c'est d'avoir la dalle, aujourd'hui dis Dieu merci. C'est pas Paris mais la carte de crédit qui est magique. Sans pub, 19h30, 21h, DJ Florent au platine, ici sur Master, masterfm.fr. Vous nous écoutez aussi sur Free, hein. Vous pouvez vous connecter directement dans le bouquet Radio Free, vous cherchez Master, et hop, c'est nous, Master Hip House. On continue avec le classique électro de DJ Florent avant de retrouver Multitempo à partir de 21h. On va se faire Tom Craft avec Benny Benassi, classique de 2003. Pour les hits électro, c'est David Guetta et Morten avec Dreams, nouveauté Master que vous avez découvert ici toute la journée, ça fait plusieurs semaines qu'on vous le joue. Dreams arrive avec Two Elements, Dino Warrior, mais avant, Major Lazer et bim pour Rave des Favelas sur Master. Bala, cachaça, docinho, garrafa, cabarote, pulseira, mulheres, solteiras. Tem loira, tá terno, morena, tá terno, pretinha, tá terno, e as uivas, tá terno. Tem compra, me dera VIP, tem gin, tem whisky, tem drink. Tem fumaça, bebê, tem narguilha, tem after na milha suíte. Tem funk, tem muita novinha, tem sexo, mas tem camisinha. Menino que beija menina, que beija menino, que beija menina. Tem diplo, tem lã, tem Anitta. Tem bunda, tem baile, tem ousadia. Tem copo pra cima, loucura e nós como. Já tá avisado, tá dado recado. Já vim preparado que o bagulho é tenso. Pulso lotado, tá tudo regado. Quem tá do meu lado nem tá entendendo. Rave com funk ficou excitante. Tô querendo ver tu colar aqui dentro. Vem pro mirante, te fiz de romance. Só tenho uma chance pra esse momento. Tô louca, bateu agora. Aproveita, já chega, bota. Me toca, já chega, bota. Vai, vai, vai. Capitan, capitan, capitan, capitan, capitan, capitan, capitan, capitan, capitan, capitan, capitan, capitan, capitan, capitan, capitan, capitan, capitan, capitan, capitan, capitan, capitan, capitan, capitan, capitan, capitan, capitan, capitan, capitan, capitan, capitan, capitan, capitan, capitan, capitan, capitan, capitan, capitan, capitan, capitan, capitan, capitan, capitan, capitan, capitan, capitan, capitan, capitan, capitan, capitan, capitan, capitan, capitan, capitan, capitan, capitan, capitan, capitan, capitan, capitan, capitan, capitan, capitan, capitan, capitan, capitan, capitan, capitan, capitan, capitan, capitan, capitan, capitan, capitan, capitan, capitan, capitan, capitan, capitan, capitan, capitan, capitan, capitan, capitan, capitan, capitan, capitan, capitan, capitan, capitan, capitan, capitan, capitan, capitan, capitan, cap semaine, DJ Florum. Mashup. C'est sur Master. C'est sur Master. You Mashup, c'est terminé pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine, 19h30, 21h. N'oubliez pas de télécharger les podcasts de DJ Florum. Et ils sont dispo hein, sur le site de la radio, masterfm.fr. Tom Craft, Loneliness avec Benny Benassi. Ça, c'est un remix de Benny Benassi, classique de 2003. Et à 21h, Multitempo. 22h, Master Club de la House, de la Bass House et l'électro en non-stop jusqu'à 4h du mat. Et tout ça, c'est sans pub à partir de maintenant. Happiness comes to loneliness, and loneliness to cure my world.